je viens de me faire crever. C'est chaud, faut que je me refasse avant que je me fasse lever, frérot. Faut de la caillasse. Ghetto, c'est pas Las Vegas. Coup de grâce sur coup de grâce, faut que je ramasse. Car je viens de me faire crever. C'est bête, faut qu'on me réavance des quêtes. Quête, t'es ouais, mec, quête. Ça pue les decks, et on s'entête, même en bombec. Sans deck, être honnête est un vrai casse-tête. Ouais. Me souviens de ce jour où j'ai perdu mon bif. Dans quelques litres de bédo radioactif. Que j'avais caché dans une cave plus que nocif. Façon, faut que je me refasse pétif. Car on assume le bitume, on le fume. Fabrique les thunes, infortune. J'ai de quoi t'envoyer sur Neptune. Mais plus d'une fois, on m'a crevé, crevé. Si seulement tu savais que c'est pas si facile de se refaire. Entre les keufs, les putes, les potes et les frères, je fais en sorte de faire mes affaires. Car personne protège mes arrières. Que faire? Car je dois remonter la pente. Trop de mythes, on me plante. Amigo, si tu me payes pas, je te plante le ventre. Vite, on erre dans la hure. Nique leur mère, ces putains de crevures. Car je viens de me faire crever. C'est chaud, faut que je me refasse avant que je me fasse lever, frérot. Faut de la caillasse. Ghetto, c'est pas Las Vegas. Coup de grâce sur coup de grâce, faut que je ramasse. Car je viens de me faire crever. C'est bête, faut qu'on réavance des quêtes. Quête, t'es ouais, mec, quête. Ça pue les decks, et on s'entête, même en bombec. Sans deck, être honnête est un vrai casse-tête. Ouais. Faut que je fasse du Jean-Jean, art du Jean-Jean. Sergent, ça nique la tâche, car être en chien, c'est rageant. Faut que je fasse du Jean-Jean, art du Jean-Jean. Rares sont les arrangements, les histoires finissent salement. Faut que je fasse du Jean-Jean, art du Jean-Jean. Sergent, ça nique la tâche, car être en chien, c'est rageant. Faut que je fasse du Jean-Jean, art du Jean-Jean. Rares sont les arrangements, les histoires finissent salement. Car je viens de me faire crever, c'est chaud. Faut que je me refasse avant que je me fasse lever, frérot. Faut de la caillasse. Ghetto, c'est pas Las Vegas. Coup de grâce sur coup de grâce, faut que je ramasse. Car je viens de me faire crever. C'est bête, faut qu'on réavance des quêtes. Quête, t'es ouais, mec, quête. Ça pue les decks, et on s'entête, même en bombec. Sans deck, être honnête est un vrai casse-tête. Ouais. Qui s'est jamais fait crever son bordel? Retrouvé en vente libre dans sa petite ruelle. Dis-moi qui a jamais cramé une sentinelle. Crevé un butin, caché dans une poubelle. Simple et mortel, voilà ce que nous sommes. Combien ont perdu la vie pour des vieilles sommes? Un Ericsson sonne et une écoute démarre. Faut pas que tu déconnes, au bout de cette route c'est le placard. Ça sent les galères. Écoute le chant des revolvers. Tout ça, ça met les nerfs. À croire que le monde tourne à l'enfer. C'est clair, c'est chacun pour soi. Trop de fois ça déçoit, mais faut pas perdre la foi. Qui que l'on soit, la vie est ainsi. On passe pas à côté des soucis.